Ouais, il est pas mal fait. C'est bien. Ah non, on les voit un petit peu quand même. On met un peu plus de temps. Laisse un peu de réverb. En bas. On enlève les basses un peu, un petit peu de basse. Hein? Trop de basse? C'est ça que tu m'as dit? Un peu moins de basse. Ok. Ouais, un petit peu moins de basse. Ça marche pas ça le bright. Ça sert à quoi ça? Pour éclaircir le son? Treble. Par contre, la réverb est bien faite.